Rhapsodie 2. Les dieux et les cavaliers armés de casques dormaient tous dans la nuit. Mais le profond sommeil ne saisissait point Zeus, et il cherchait dans son esprit comment il honorerait Achilleus et tuerait une foule d'hommes auprès des nefs des Achaïens. Et ce dessein lui parut le meilleur dans son esprit d'envoyer un songe menteur à l'Atrée d'Agamemnon. Et l'ayant appelé, il lui dit ces paroles ailées. « Va, songe menteur, vers les nefs rapides des Achaïens. Entre dans la tente de l'Atrée d'Agamemnon, et porte-lui très fidèlement mon ordre, qu'il arme la foule des Achaïens chevelus, car voici qu'il va s'emparer de la ville aux larges rues des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures olympiennes ne sont plus divisés, car Érée les a tous fléchis par ses supplications, et les calamités sont suspendues sur les Troyens. » Il parla ainsi, et l'ayant entendu, le songe partit. Et il parvint aussitôt aux nefs rapides des Achaïens. Et il s'approcha de l'Atrée d'Agamemnon, qui dormait sous sa tente, et qu'un sommeil ambroisien enveloppait. Et il se tint auprès de la tête du roi. Et il était semblable au Néléion Nestor, qui, de tous les vieillards, était le plus honoré d'Agamemnon. Et sous cette forme, le songe divin parla ainsi. « Tu dors, fils du brave Atréus, dompteur de chevaux ? Il ne faut pas qu'un homme sage, à qui les peuples ont été confiés, et qui a tant de soucis dans l'esprit, dorme toute la nuit. Et maintenant écoute-moi sans tarder, car je te suis envoyé par Zeus qui, de loin, s'inquiète de toi et te prend en pitié. Il t'ordonne d'armer la foule des Achaïens chevelus, car voici que tu vas t'emparer de la ville aux larges rues, des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures olympiennes ne sont plus divisés, car Érée les a tous fléchis par ses supplications, et les calamités sont suspendues sur les Troyens. Garde ces paroles dans ton esprit, et n'oublie rien quand le doux sommeil t'aura quitté. » Ayant ainsi parlé, il disparut et le laissa rouler dans son esprit ces paroles qui ne devaient point s'accomplir. Et l'insensé crut qu'il allait s'emparer ce jour-là de la ville de Priamos, ne sachant point ce que Zeus méditait. Et le Cronide se préparait à répandre encore en de terribles batailles les douleurs et les gémissements sur les Troyens et sur les Danaïens. Et l'Atréide s'éveilla et la voix divine résonnait autour de lui. Il se leva et revêtit sa tunique moelleuse, belle et neuve. Et il se couvrit d'un large manteau et noua à ses pieds robustes de belles sandales. Il suspendit à ses épaules l'épée aux clous d'argent. Enfin, il prit le sceptre immortel de ses pères et marcha ainsi vers les nefs des Achaïens revêtus d'airain. Et la divine Éos gravit le haut Olympos, annonçant la lumière à Zeus et aux immortels. Et l'Atréide ordonna aux héros, à la voix sonore, de convoquer à l'agora les Achaïens chevelus. Et ils les convoquèrent, et tous accoururent en foule. Et l'Atréide réunit un conseil de chefs magnanimes auprès de la nef de Nestor, roi de Pylos. Et, les ayant réunis, il consulta leur sagesse. « Amis, entendez-moi. Un songe divin m'a été envoyé dans mon sommeil, au milieu de la nuit ambroisienne. Il était semblable au divin Nestor par le visage et la stature. Il s'est arrêté au-dessus de ma tête et il m'a parlé ainsi. « Tu dors, fils du brave Atréus, dompteur de chevaux ? Il ne faut point qu'un homme sage, à qui les peuples ont été confiés et qui a tant de soucis dans l'esprit, dorme toute la nuit. « Et maintenant écoute-moi sans tarder, car je te suis envoyé par Zeus, qui, de loin, s'inquiète de toi et te prend en pitié. » Il t'ordonne d'armer la foule des Achaïens chevelus, car voici que tu vas t'emparer de la ville aux larges rues des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures olympiennes ne sont plus divisés, car Érée les a tous fléchis par ses supplications, et les calamités sont suspendues sur les Troyens. Garde ces paroles dans ton esprit. » En parlant ainsi, il s'envola, et le doux sommeil me quitta. Maintenant, songeons à armer les fils des Achaïens. D'abord, je les tenterai par mes paroles, comme il est permis, et je les pousserai à fuir sur leurs nefs chargées de rameurs. Vous, par vos paroles, forcez-les de rester. » Ayant ainsi parlé, il s'assit, et Nestor se leva, et il était roi de la sablonneuse Pylos. Et, les haranguant avec sagesse, il leur dit : « Ô amis, rois et princes des Argiens, Si quelque autre des Achaïens nous eût dit ce songe, nous aurions pu croire qu'il mentait, et nous l'aurions repoussé. Mais celui qui l'a entendu se glorifie d'être le plus puissant dans l'armée. Songeons donc à armer les fils des Achaïens. » Ayant ainsi parlé, il sortit le premier de l'agora, et les autres rois portent sceptre se levèrent et obéirent aux princes des peuples. Et les peuples accouraient. Ainsi des essaims d'abeilles innombrables sortent toujours et sans cesse d'une roche creuse, et volent par légions sur les fleurs du printemps, et les unes tourbillonnent d'un côté et les autres de l'autre. Ainsi la multitude des peuples, hors des nefs et des tentes, s'avançait vers l'agora, sur le rivage immense, et au milieu d'eux, Ossa, messagère de Zeus, excitait et hâtait leur course, et ils se réunissaient. Et l'agora était pleine de tumulte, et la terre gémissait sous le poids des peuples. Et comme les clameurs redoublaient, les héros à la voix sonore les contraignaient de se taire et d'écouter les rois divins. Et la foule s'assit et resta silencieuse. Et le divin Agamemnon se leva, tenant son sceptre. Héphaïstos, l'ayant fait, l'ayant donné au roi Zeus Cronion. Zeus le donna au messager, tueur d'Argos. Et le roi Herméas le donna à Pélops, dompteur de chevaux. Et Pélops le donna au prince des peuples, Atréus. Atréus, en mourant, le laissa à Thyestès, riche en troupeaux. Et Thyestès le laissa à Agamemnon, afin que ce dernier le portât et commandât sur un grand nombre d'îles et sur tout Argos. Appuyé sur ce sceptre, il parla ainsi aux Argiens. « Ô ami, héros d'Anaïn, serviteur d'Arès, Zeus Cronide m'accable de mots terribles, l'impitoyable. Autrefois, il me promit que je reviendrais après avoir conquis Ilios aux fortes murailles. Mais il me trompait, et voici qu'il me faut rentrer sans gloire dans Argos, ayant perdu un grand nombre d'hommes. Et cela plaît au tout-puissant Zeus qui a renversé et qui renversera tant de hautes citadelles, car sa force est très grande. Certes, ceci sera une honte dans la postérité, que la race courageuse et innombrable des Achaïens ait combattu tant d'années et vainement des hommes moins nombreux sans qu'on puisse prévoir la fin de la lutte. Car si, ayant scellé par serment d'inviolables traités, nous, Achaïens et Troyens, nous faisions un dénombrement des deux races, et que les habitants de Troie, s'étant réunis, nous nous rangions par décades, comptant un seul Troyen pour présenter la coupe à chacune d'elles, certes, beaucoup de décades manqueraient des chansons, tant les fils des Argiens sont plus nombreux que les Troyens qui habitent cette ville. Mais voici que de nombreux alliés, habiles à lancer la pique, s'opposent victorieusement à mon désir de renverser la citadelle populeuse de Troie. 9 années du grand Zeus se sont écoulées déjà, et le bois de nos nefs se corrompt, et les cordages tombent en poussière, et nos femmes et nos petits-enfants restent en nous attendant dans nos demeures. Et la tâche est inachevée pour laquelle nous sommes venus. Allons, fuyons tous sur nos nefs vers la chère terre natale. Nous ne prendrons jamais la grande Troie. » Il parla ainsi, et ses paroles agitèrent l'esprit de la multitude qui n'avait point assisté au conseil. Et l'agora fut agitée comme les vastes flots de la mer icarienne que remuent l'Euros et le Notos, échappés des nuées du père Zeus, ou comme un chant d'épis que bouleverse Zéphyros, qui tombe impétueusement sur la grande moisson. Telle l'agora était agitée. Ils se ruaient tous vers les nefs, avec des clameurs, et soulevant de leurs pieds un nuage immobile de poussière. Et ils s'exhortaient à saisir les nefs et à les traîner à la mer divine. Les cris montaient dans l'Ouranos, hâtant le départ. Ils dégageaient les canaux et retiraient déjà les rouleaux des nefs. Alors les Argiens se seraient retirés, contre la destinée, si Héré n'avait parlé ainsi à Athénée. « Ah, fille indomptée de Zeus tempétueux, les Argiens fuiront-ils vers leur demeure et la chère terre natale, sur le vaste dos de la mer, laissant à Priamos et aux Troyens leur gloire, et l'Argienne et l'aînée, pour laquelle tant d'Achaïens sont morts devant Troie, loin de la chère patrie ? Va trouver le peuple des Achaïens armés des reins. Retiens chaque guerrier par de douces paroles, et ne permets pas qu'on traîne les nefs à la mer. » Elle parla ainsi, et la divine Athénée, aux yeux clairs, obéit. Et elle sauta du faîte de l'Olympos, et, parvenue aussitôt aux nefs rapides des Achaïens, elle trouva Odysseus, semblable à Zeus par l'intelligence, qui restait immobile. Il ne saisissait point sa nef noire bien construite, car la douleur emplissait son cœur et son âme, et, s'arrêtant auprès de lui, Athénée aux yeux clairs parla ainsi. « Divin Laertiade, sage Odysseus, fuirez-vous donc tous dans vos nefs chargées de rameurs, laissant à Priamos et aux Troyens leur gloire, et l'Argienne et l'aînée pour laquelle tant d'Achaïens sont morts devant Troie, loin de la chère patrie? Va, hâte-toi d'aller vers le peuple des Achaïens. Retiens chaque guerrier par de douces paroles, et ne permets pas qu'on traîne les nefs à la mer. » Elle parla ainsi, et il reconnut la voix de la déesse, et il courut, jetant son manteau, que releva le héros Eurybatès d'Ithaquée, qui le suivait. Et, rencontrant l'Athéide Agamemnon, il reçut de lui le sceptre immortel de ses pères, et avec ce sceptre, il marcha vers les nefs des Achaïens, revêtus d'airain. Et quand il se trouvait en face d'un roi ou d'un homme illustre, il l'arrêtait par de douces paroles. « Malheureux, il ne te convient pas de trembler comme un lâche. Reste et arrête les autres. Tu ne sais pas la vraie pensée de l'Atréide. Maintenant, il tente les fils des Achaïens, et bientôt il les punira. Nous n'avons point tous entendu ce qu'il a dit dans le conseil. Craignons que, dans sa colère, il outrage les fils des Achaïens, car la colère d'un roi nourrisson de Zeus est redoutable. Et le très sage Zeus l'aime, et sa gloire vient de Zeus. » Mais quand il rencontrait quelque guerrier obscur et plein de clameurs, il le frappait du sceptre et le réprimait par de rudes paroles. « Arrête, misérable, écoute ceux qui te sont supérieurs, lâche et sans force, toi qui n'as aucun rang, ni dans le combat, ni dans le conseil. Certes, tous les Achaïens ne seront point rois ici. La multitude des maîtres ne vaut rien. Il ne faut qu'un chef, un seul roi, à qui le fils de Cronos, empli de ruse, a remis le sceptre et les lois, afin qu'il règne sur tous. » Ainsi, Odysseus réfrénait puissamment l'armée. Il se précipitait de nouveau, tumultueux, vers l'agora, loin des nefs et des tentes, comme lorsque les flots au bruit sans nombre se brisent en grondant sur le vaste rivage, et que la haute mer en retentit. Et tous étaient assis à leur rang. Et seul Thersites poursuivait ses clameurs. Il abondait en paroles insolentes et outrageantes, même contre les rois, et parlait sans mesure, afin d'exciter le rire des Argiens. Et c'était l'homme le plus difforme qui fût venu devant Ilios. Il était louche et boiteux, et ses épaules recourbées se rejoignaient sur sa poitrine, et quelques cheveux épars poussaient sur sa tête pointue. Il haïssait surtout Achilleus et Odysseus, et les outrageait. Il poussait des cris injurieux contre le divin Agamemnon. Les Achaïens le méprisaient et le haïssaient, mais d'une voix haute, il outrageait ainsi Agamemnon. Atréide, que te faut-il encore et que veux-tu? Tes tentes sont pleines d'airain et de nombreuses femmes fort belles que nous te donnons d'abord, nous, Achaïens, quand nous prenons une ville. As-tu besoin de l'or qu'un Troyen dompteur de chevaux t'apportera pour l'affranchissement de son fils que j'aurai amené enchaîné, ou qu'un autre Achaïen aura dompté? Te faut-il une jeune femme que tu possèdes et que tu ne quittes plus? Il ne convient point qu'un chef accable de mots les Achaïens. Ô lâche, opprobre vivant, Achaïenne et non Achaïen, retournons dans nos demeures avec les nefs. Laissons-le, seul devant Troie, amasser des dépouilles, et qu'il sache si nous lui étions nécessaires ou non. N'a-t-il point outragé Achilleus, meilleur guerrier que lui, et enlevé sa récompense? Certes, Achilleus n'a point de colère dans l'âme, car c'eût été, Atréide, ta dernière insolence. » Il parla ainsi, outrageant Agamemnon, prince des peuples. Et le divin Odysseus, s'arrêtant devant lui, le regarda d'un œil sombre et lui dit rudement « Thersites, infatigable harangueur, silence, et cesse de t'en prendre au roi. Je ne pense pas qu'il soit un homme plus vil que toi parmi ceux qui sont venus devant Troie avec les Atréides. Et tu ne devrais point haranguer avec le nom des rois à la bouche, ni les outrager, ni exciter au retour. Nous ne savons point quelle sera notre destinée, et s'il est bon ou mauvais que nous partions. Et voici que tu te plais à outrager l'Atréide d'Agamemnon, prince des peuples, parce que les héros d'Anaïn l'ont comblé de dons, et c'est pour cela que tu harangues. Mais je te le dis, et ma parole s'accomplira. Si je te rencontre encore plein de rage comme maintenant, que ma tête saute de mes épaules, que je ne sois plus nommé le père de Télémachos, et si je ne te saisis, et t'ayant arraché ton vêtement, ton manteau et ce qui couvre ta nudité, je ne te renvoie sanglotant de l'agora aux nefs rapides, en te frappant de coups terribles. » Il parla ainsi, il le frappa du sceptre sur le dos et les épaules. Et Tersitès se courba, et les larmes lui tombèrent des yeux. Une tumeur saignante lui gonfla le dos sous le coup du sceptre d'or, et il s'assit, tremblant et gémissant, hideux à voir, et il essuya ses yeux. Et les Achaïens, bien que soucieux, rirent aux éclats, et se regardant les uns les autres, ils se disaient, « Certes, Odysseus a déjà fait 1000 choses excellentes, par ses sages conseils et par sa science guerrière, mais ce qu'il a fait de mieux entre tous les Argiens a été de réduire au silence ce harangueur injurieux. De longtemps, il se gardera d'outrager les rois par ses paroles injurieuses. » La multitude parlait ainsi, et le preneur de ville, Odysseus, se leva, tenant son sceptre. Auprès de lui, Athénée, aux yeux clairs, semblable à un héros, ordonna à la foule de se taire, afin que tous les fils des Achaïens, les plus proches et les plus éloignés, puissent entendre et comprendre. Et l'excellent Agorette parla ainsi. « Roi Atréide, voici que les Achaïens veulent te couvrir d'opprobre en face des hommes vivants. Ils ne tiennent point la promesse qu'ils te firent en venant d'Argos, féconde en chevaux, de ne retourner qu'après avoir renversé la forte muraille d'Ilios. Et voici qu'ils pleurent, pleins du désir de leur demeure, comme des enfants et des veuves. Certes, c'est une amère douleur de fuir après tant de maux soufferts. Je sais, il est vrai, qu'un voyageur éloigné de sa femme depuis un seul mois s'irrite auprès de sa nef chargée de rameurs que retiennent les vents d'hiver et la mer soulevée. Or, voici 9 années bientôt que nous sommes ici. Je n'en veux donc point aux Achaïens de s'irriter auprès de leurs nefs éperonnées. Mais il est honteux d'être resté si longtemps et de s'en retourner les mains vides. Souffrez donc, amis, et demeurez ici quelque temps encore, afin que nous sachions si Calchas a dit vrai ou faux. Et nous le savons, et vous en êtes tous témoins, vous, que les cœurs de la mort n'ont point emporté. Était-ce donc hier? Les nefs des Achaïens étaient réunis devant Aulis, portant les calamités à Priamos et aux Troyens, et nous étions autour de la source, auprès des autels sacrés, offrant aux immortels de complètes hécatombes, sous un beau platane. Et, à son ombre, coulait une eau vive, quand nous vîmes un grand prodige. Un dragon terrible, au dos ensanglanté, envoyé de l'Olympien lui-même, sortit de dessous l'autel et rampa vers le platane. Là étaient 8 petits passereaux, tout jeunes, sur la branche la plus haute et blottis sous les feuilles. Et la mère qui les avait enfantés était la 9e, et le dragon les dévorait cruellement, et ils criaient, et la mère désolée volait tout autour de ses petits. Et comme elle emplissait l'air de cris, il la saisit par une aile, et quand il eut mangé la mère et les petits, le dieu qui l'avait envoyé en fit un signe mémorable. Car le fils de Cronos, empli de ruse, le changea en pierre. Et nous admirions ceci, et les choses terribles qui étaient dans les hécatombes des dieux. Et voici que Calchas nous révéla aussitôt les volontés divines. Pourquoi êtes-vous muet, Achaïen chevelu? Ceci est un grand signe du très sage Zeus. Et ces choses s'accompliront fort tard, mais la gloire n'en périra jamais. De même que ce dragon a mangé les petits passereaux, et ils étaient 8, et la mère qui les avait enfantés, et elle était la 9e, de même nous combattrons pendant 9 années, et dans la 10e nous prendrons 3 aux larges rues. C'est ainsi qu'il parla, et ses paroles se sont accomplies. Restez donc tous, Achaïens, au bel Cnémide, jusqu'à ce que nous prenions la grande citadelle de Priamos. » Il parla ainsi, et les Argiens, par des cris éclatants, applaudissaient la harangue du divin Odysseus. Et à ces cris, les nefs creuses rendirent des sons terribles. Et le cavalier gérénien Nestor leur dit, « Oh, certes, ceci est une agora d'enfants étrangers aux fatigues de la guerre. Où iront nos paroles et nos serments ? Les conseils et la sagesse des hommes et les libations de vin pur et les mains serrées en gage de notre foi commune, tout sera-t-il jeté au feu? Nous ne combattons qu'en paroles vaines et nous n'avons rien trouvé de bon après tant d'années. Atréide, sois donc inébranlable et commande les Argiens dans les rudes batailles. Laisse périr un ou deux lâches qui conspirent contre les Achaïens et voudraient regagner Argos avant de savoir si Zeus tempétueux a menti. Mais ils n'y réussiront pas. Moi, je dis que le terrible Cronion engagea sa promesse le jour où les Argiens montaient dans les nefs rapides pour porter aux Troyens les cares de la mort, car il tenait à notre droite par un signe heureux. Donc, que nul ne se hâte de s'en retourner avant d'avoir entraîné la femme de quelque Troyen et vengé le rapt de Héléné et tous les maux qu'il a causés. Et si quelqu'un veut fuir malgré tout, qu'il saisisse sa nef noire et bien construite, afin de trouver une prompte mort. Mais, ô roi, délibère avec une pensée droite et écoute mes conseils. Ce que je dirai ne doit pas être négligé. Sépare les hommes par races et par tribus, et que celles-ci se viennent en aide les unes les autres. Si tu fais ainsi, et que les Achaïens t'obéissent, tu connaîtras la lâcheté ou le courage des chefs et des hommes, car chacun combattra selon ses forces. Et si tu ne renverses point cette ville, tu sauras si c'est par la volonté divine ou par la faute des hommes. » Et le roi Agamemnon, lui répondant, parla ainsi. « Certes, vieillard, tu surpasses dans l'agora tous les fils des Achaïens. Ô père Zeus, Athénée, Apollon, si j'avais 10 conseillers tels que toi parmi les Achaïens, la ville du roi Priamos tomberait bientôt, emportée et saccagée par nos mains. Mais le chronide Zeus tempétueux m'a accablé de maux en me jetant au milieu de querelles fatales. Achilleus et moi, nous nous sommes divisés à cause d'une jeune vierge, et je me suis irrité le premier. Si jamais nous nous réunissons, la ruine des Troyens ne sera point retardée, même d'un jour. Maintenant, allez prendre votre repas afin que nous combattions. Et que d'abord chacun aiguise sa lance, consolide son bouclier, donne à manger à ses chevaux, s'occupe attentivement de son char et de toutes les choses de la guerre, afin que nous fassions tout le jour l'œuvre du terrible Arès. Et nous n'aurons nul relâche, jusqu'à ce que la nuit sépare les hommes furieux. La courroie du bouclier préservateur sera trempée de la sueur de chaque poitrine, et la main guerrière se fatiguera autour de la lance, et le cheval fumera, inondé de sueur, entraînant le char solide. Et je le dis, celui que je verrai loin du combat, auprès des nefs éperonnées, celui-là n'évitera point les chiens et les oiseaux carnassiers. » Il parla ainsi, et les Argiens jetèrent de grands cris, avec le bruit que fait la mer quand le Notos la pousse contre une côte élevée, sur un roc avancé que les flots ne cessent jamais d'assiéger, de quelque côté que soufflent les vents. Ils coururent, se dispersant au milieu des nefs, et la fumée sortit des tentes, et ils prirent leur repas. Et chacun d'eux sacrifiait à l'un des dieux qui vivent toujours, afin d'éviter les blessures d'Arès et la mort. Et le roi des hommes, Agamemnon, sacrifia un taureau gras de 5 ans au très-puissant Cronion. Il convoqua les plus illustres des Panachaïens, Nestor, le roi Idoménéus, les deux Aias et le fils de Tydeus. Odysseus, égal à Zeus par l'intelligence, fut le 6e. Ménélaos, brave au combat, vint de lui-même, sachant les desseins de son frère. Entourant le taureau, ils prirent les orges salées, et au milieu d'eux, le roi des hommes, Agamemnon, dit en priant, « Zeus, très glorieux, très grand, qui amasse les noires nuées et qui habite l'Aïter, puisse Hélios ne point se coucher et la nuit ne point venir, avant que j'aie renversé la demeure enflammée de Priamos, après avoir brûlé ses portes et brisé de l'épée la cuirasse de Hector sur sa poitrine, vu la foule de ses compagnons couchés autour de lui, dans la poussière, mordre de leurs dents la terre. » Il parla ainsi, et le Cronion accepta le sacrifice. Mais il ne l'exauça pas, lui réservant de plus longues fatigues. Et, après qu'ils eurent prié et jeté les orges salées, ils renversèrent la tête du taureau. Et l'ayant égorgé et dépouillé, ils coupèrent les cuisses qu'ils couvrirent deux fois de graisse. Et, posant par-dessus des morceaux sanglants, ils les rôtissaient avec des rameaux sans feuilles, et ils tenaient les entrailles sur le feu. Et quand les cuisses furent rôties, et qu'ils eurent goûté aux entrailles, ils coupèrent le reste par morceaux qu'ils embrochèrent et firent rôtir avec soin, et ils retirèrent le tout. Et après ce travail, ils préparèrent le repas, et aucun ne put se plaindre d'une part inégale. Puis, ayant assouvi la faim et la soif, le cavalier gérénien Nestor parla ainsi. « Très glorieux, roi des hommes, Atréide Agamemnon, ne tardons pas plus longtemps à faire ce que Zeus nous permet d'accomplir. Allons, que les héros, par les clameurs, rassemblent auprès des nefs l'armée des Achaïens revêtue d'airain. Et nous, nous mêlant à la foule guerrière des Achaïens, excitons à l'instant l'impétueux Arès. » Il parla ainsi, et le roi des hommes Agamemnon obéit, et il ordonna aux héros, à la voix éclatante, d'appeler au combat les Achaïens chevelus. Et, autour de l'Atréion, les rois divins couraient, çà et là, rangeant l'armée. Et au milieu d'eux, Athénée, aux yeux clairs, portait l'égide glorieuse, impérissable et immortelle. Et 100 franges d'or bien tissues, chacune du prix de 100 bœufs, y étaient suspendues. Avec cette égide, elle allait ardemment à travers l'armée des Achaïens, poussant chacun en avant, lui mettant la force et le courage au cœur, afin qu'il guerroyât et combattît sans relâche. Et aussitôt, il leur semblait plus doux de combattre que de retourner sur leur nef creuse, vers la chère terre natale. Comme un feu ardent qui brûle une grande forêt au faîte d'une montagne, et dont la lumière resplendit au loin, de même s'allumait dans l'Ouranos les reins étincelants des hommes qui marchaient. Comme les multitudes ailées des oies, des grues ou des cygnes au long cou, dans les prairies d'Asios, sur les bords du Caïstrios, volent çà et là, agitant leurs ailes joyeuses et se devançant les uns les autres avec des cris dont la prairie résonne, de même les innombrables tribus achaïennes roulaient en torrent dans la plaine du Scamandros, loin des nefs et des tentes. Et sous leurs pieds, et ceux des chevaux, la terre mugissait terriblement. Ils s'arrêtèrent dans la plaine fleurie de Scamandros, par milliers, tels que les feuilles et les fleurs du printemps, aussi nombreux que les tourbillons infinis de mouches qui bourdonnent autour de l'étable, dans la saison printanière, quand le lait abondant blanchit les vases, les Achaïens chevelus s'arrêtaient dans la plaine en face des Troyens, et désirant les détruire. Comme les bergers reconnaissent aisément leurs immenses troupeaux de chèvres confondus dans les pâturages, ainsi les chefs rangeaient leurs hommes. Et le grand roi Agamemnon était au milieu d'eux, semblable par les yeux et la tête à Zeus qui se réjouit de la foudre, par la stature à Arès et par l'ampleur de la poitrine à Poséidaon. Comme un taureau l'emporte sur le reste du troupeau et s'élève au-dessus des génisses qui l'environnent, de même Zeus, en ce jour, faisait resplendir l'Atréide entre d'innombrables héros. Et maintenant, muses qui habitez les demeures olympiennes, vous qui êtes déesses et présentes à tout, et qui savez toutes choses, tandis que nous ne savons rien et n'entendons seulement qu'un bruit de gloire, dites les rois et les princes des Danaïs. Car je ne pourrais nommer ni décrire la multitude, même ayant 10 langues, 10 bouches, une voix infatigable et une poitrine d'airain, si les muses olympiades, filles de Zeus tempétueux, ne me rappellent ceux qui vinrent sous Hélios. Je dirai donc les chefs et toutes les nefs. Pénéléos, Eléitos, et Arcésilaos, et Protoénor, et Clonios commandaient aux Boïotiens. Et c'étaient ceux qui habitaient Irié et la pierreuse Aolis, et Scoïnos, et Scolos, et les nombreuses collines d'Étéon, et Thespeia, et Graïa, et la grande Mycalesos. Et ceux qui habitaient autour de Arma, et d'Eilésios, et d'Érythra. Et ceux qui habitaient Léon, et Illé, et Pétéon, Ocalié, et Médéon bien bâti, Copa et Eutresis, et Thisbé abondante en colombes, et ceux qui habitaient Coronéia et Aïartos aux grandes prairies, et ceux qui habitaient Plataïa, et ceux qui vivaient dans Glissa, et ceux qui habitaient la cité bien bâtie de Hippotéba, et la sainte Onchestos, bois sacré de Posidaon, et ceux qui habitaient Arnée, qui abonde en raisins, et Midéia, et la sainte Snissa, et la ville frontière en Tédon. Ils étaient venus sur 50 nefs, et chacune portait 120 jeunes boïostiens. Et ceux qui habitaient Asplédon et Orchoménos de Milias étaient commandés par Ascalophos et Yalménos, fils d'Arès. Et Astyoké, Azéide, les avait enfantés dans la demeure d'Actor, le puissant Arès ayant surpris la Vierge innocente dans les chambres hautes. Ils étaient venus sur 30 nefs creuses. Eskédios et Épistrophos, fils du magnanime Iphitos Naobolide, commandaient aux Phocéens. Et c'étaient ceux qui habitaient Kypirissos et la pierreuse Python et la sainte Chryssa et Daolis et Panopée. et ceux qui habitaient autour d'Anemoreia et de Iampolis, et ceux qui habitaient auprès du divin fleuve Kephissos, et qui possédaient l'Ilalaya à la source du Kephissos. Ils étaient venus sur 40 nefs noires, et leurs chefs les rangèrent à la gauche des Béroïciens. Et l'agile Aias Oïléide commandait aux Locriens. Il était beaucoup moins grand que Aias Télamonien, et sa cuirasse était de lin, mais par la lance il excellait entre les Panhélènes et les Achaïens. Il commandait à ceux qui habitaient Kynos et Calaiaros, Ebessa, Escarphée, et l'heureuse Augeia, et Tarphée, et Tronios, auprès de Boagrios. Et tous ces Locriens qui habitaient au-delà de la sainte Boéée étaient venus sur 40 nefs noires. Et les Abantes, pleins de courage, qui habitaient le Boïa et Calchis, et Erétria, et Istiaïa, qui abondent en raisins, et la maritime Kérinthos, et la haute citadelle de Dios. Et ceux qui habitaient Caristos et Styra étaient commandés par Eléphénor, Chalcodontiade, de la race d'Arès. Il était le prince des magnanimes Abantes. Et les Abantes agiles, aux cheveux flottant sur le dos, braves guerriers, désiraient percer de près les cuirasses ennemies de leurs piques de frêne. Ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et ceux qui habitaient Athéna, ville forte et bien bâtie, du magnanime Erectéus, que nourrit Athénée, fille de Zeus, après que la terre féconde l'eut enfantée, et qu'elle plaça dans le temple abondant où les fils des Athénaïens offrent chaque année pour lui plaire des hécatombes de taureaux et d'agneaux, cela était commandé par Ménestheus, fils de Pétéos. Jamais aucun homme vivant, si ce n'était Nestor qui était plus âgé, ne fut son égal pour ranger en bataille les cavaliers et les porte-boucliers. Ils étaient venus sur 50 nefs noires. Et Aias avait amené 12 nefs de Salamis, et il les avait placés auprès des Athénaïens. Et ceux qui habitaient Argos et la forte Tirinta, Hermione et Assinée au golfe profond, Troxénée et Oyana et Epidauros qui abondent en vigne, et ceux qui habitaient Aigéna et Mazès étaient commandés par Diomédès, hardi au combat, et par Sthélénos, fils de l'illustre Capaneos, et par Euryalos, semblable au dieu, fils du roi Mécistéos Talionide. Mais Diomédès, hardi au combat, les commandait tous, et ils étaient venus sur 80 nefs noires. Et ceux qui habitaient la ville forte et bien bâtie de Mykéna, et la riche Corinthos et Cléon, et ceux qui habitaient Ornéia, et l'heureuse Arithérée, et Sicyon, où régna le premier, Adrestos, et ceux qui habitaient Hypirésia, et la haute Gonoessa et Pélena, et qui vivaient autour d'Aégion et de la grande Aliké, et sur toute la côte, étaient commandés par le roi Agamemnon Atréide. Et ils étaient venus sur 100 nefs, et ils étaient les plus nombreux et les plus braves des guerriers. Et l'Atréide, revêtu de l'airain splendide, était fier de commander à tous les héros, étant lui-même très brave, ayant amené le plus de guerriers. Et ceux qui habitaient la grande Lacédaïmon, dans sa creuse vallée, et Pharis, et Sparta, et Messa qui abonde en colombes, et Briseïa, et l'heureuse Augéa, Amycla, et la maritime Élos, et ceux qui habitaient la Haas et Oïtélos, étaient commandés par Ménélaos hardi au combat, et séparés des guerriers de son frère. Et ils étaient venus sur 60 nefs, et Ménélaos était au milieu d'eux, confiant dans son courage et les excitant à combattre, car plus qu'eux, il désirait venger le rapt de Hélénée et les maux qui en venaient. Et ceux qui habitaient Pylos et l'heureuse Arénée, et Trios traversée par l'Alphéos, et Aépi habilement construite, et Kyparissée, et Amphigénia, Ptéléon, Élos et Dorion, où les muses, ayant rencontré le Trachien Tamiris, qui venait d'Ochylaïe, de chez le roi Eurytos, loqualien, le rendirent muet, parce qu'il s'était vanté de vaincre en chantant les muses elles-mêmes, filles de Zeus tempétueux. Et celles-ci, irritées, lui ôtèrent la science divine de chanter et de jouer de la guitare. Et cela était commandé par le cavalier gérénien Nestor. Ils étaient venus sur 90 nefs creuses. Et ceux qui habitaient l'Arcadia, au pied de la haute montagne de Kylénée, où naissent les hommes braves, auprès du tombeau d'Aegyptios, et ceux qui habitaient Phénéos et Orchoménos, riches en troupeaux, et Ripée, et Stratiée, et Nispée, battus des vents, et ceux qui habitaient Égée et l'heureuse Mantinée, et Stymphélos, et Parasier, étaient commandés par le fils d'Ancaïos, le roi Agapénor. Ils étaient venus sur 50 nefs, et dans chacune il y avait un grand nombre d'Arcadiens belliqueux. Et le roi Agamemnon leur avait donné des nefs bien construites pour traverser la noire mer, car ils ne s'occupaient point des travaux de la mer. Et ceux qui habitaient Bouprasios et la divine Hélice, et la terre qui renferme Irminée, et la ville frontière de Myrcinée, et la roche Olénienne et Aléisios, étaient venus sous 4 chefs, et chaque chef conduisait 10 nefs rapides, où étaient de nombreux épéiens. Amphimachos et Talpios commandaient les uns. Le premier était fils de Cléatos, et le second de Rhitos Actorion. Et le robuste Diorès Amarynceide commandait les autres. Et le divin Polyxénos commandait au dernier. Il était fils d'Agasthénéos au Géiade. Et ceux qui habitaient Doulichion et les saintes îles Kinades, qui sont à l'horizon de la mer, en face de l'hélice, étaient commandés par Mégès Phileide, semblable à Arès. Il était fils de Phileus, habile cavalier cher à Zeus, qui, s'étant irrité contre son père, s'était réfugié à Doulichion. Ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et Odysseus commandait les magnanimes Képhaléniens et ceux qui habitaient Ithaké et le Néritos aux forêts agitées, et ceux qui habitaient Crocyléia et l'aride Aigélipa et Zanquintos et Samos, et ceux qui habitaient l'Épeirios sur la rive opposée. Et Odysseus, égal à Zeus par l'intelligence, les commandait. Ils étaient venus sur 12 nefs rouges. Et Thoas Andraimoinide commandait les Atoliens qui habitaient Pleuron et Olénos, et Pylénée, et la maritime Calchis, et la pierreuse Calydon, car les fils du magnanime Oïnos étaient morts, et lui-même était mort, et le blond Méléagros était mort, et Thoas commandait maintenant les Aïtoliens. Ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et Odyminéos, habile à lancer la pique, commandait les Crétois et ceux qui habitaient Cnosos et la forte Gortina, et les villes populeuses de Lyctos, de Miletos, de Lycastos, de Phaistos et de Rhythion, et d'autres qui habitaient aussi la Crétée aux 100 villes. Et Idoménéus, habile à lancer la pique, les commandait avec Mériones, pareil au tueur d'hommes Arès, et ils étaient venus sur 80 nefs noires. Et Tlépolémos, Héraclide, très fort et très grand, avait conduit de Rhodos sur 9 nefs les fiers Rhodiens qui habitaient les 3 parties de Rhodos, Lindos, Yélissos et la riche Caméiros. Et Tlépolémos, habile à lancer la pique, les commandait. Et Astiochéa avait donné ce fils au grand Héraclès, après que ce dernier l'eût amené d'Éphyré, des bords du Séléis, où il avait renversé beaucoup de villes défendues par de jeunes hommes. Et Tlépolémos, élevé dans la belle demeure, tua l'oncle de son père, Lycimnios, race d'Arès. Il construisit des nefs, rassembla une grande multitude et s'enfuit sur la mer, car les fils et les petits-fils du grand Héraclès le menaçaient. Ayant erré et subi beaucoup de maux, il arriva dans Rhodos, où ils se partagèrent en 3 tribus, et Zeus, qui commande aux dieux et aux hommes, les aima et les combla de richesses. Et Nireus avait amené de Cimée 3 nefs. Il était né d'Aglaïe et du roi Caropos, et c'était le plus beau de tous les Danaïens, après l'irréprochable Péléon, mais il n'était point brave et commandait peu de guerriers. Et ceux qui habitaient Nisiros et Crapatos et Casos et Kos, ville de Ripilos et les îles Calinades, étaient commandés par Phaidippos et Antiphos, 2 fils du roi Thessalos Héracléide. Et ils étaient venus sur 30 nefs creuses. Et je nommerai aussi ceux qui habitaient Argos Pélagique et Alos et Alopée, et ceux qui habitaient Trachinée et la Phtiée, et la Hélias aux belles femmes. Et ils se nommaient Myrmidone, ou Hélène, ou Achaïen, et Achilleus commandait leurs 50 nefs. Mais ils ne se souvenaient plus des clameurs de la guerre, n'ayant plus de chef qui les menât, car le divin Achilleus aux pieds rapides était couché dans ses nefs, irrité au souvenir de la vierge Bréséis aux beaux cheveux, qu'il avait emmenée de l'Hyrnessos, après avoir pris cette ville et renversé les murailles de Thébée avec de grandes fatigues. Là, il avait tué les belliqueux Ménitos et Épistrophos, fils du roi Evénos et l'Épiade. Et, dans sa douleur, il restait couché, mais il devait se relever bientôt. Et ceux qui habitaient Phyglaké et la fertile Pyrasos, consacrée à Déméter, et Iton, riche en troupeaux, et la maritime Anthron, et Ptéléos aux grasses prairies, étaient commandés par le brave Protésilaos quand il vivait. Mais déjà la terre noire le renfermait, et sa femme se meurtrissait le visage, seule à Phyglaké, dans sa demeure abandonnée. Car un guerrier dardanien le tua, comme il s'élançait de sa nef, le premier de tous les Achaïens. Mais ces guerriers n'étaient point sans chef, ils étaient commandés par un nourrisson d'Arès, Podarques, fils d'Iphiclos, riche en troupeaux. Il était frère du magnanime Protésilaos. Et ce héros était l'aîné et le plus brave, et ses guerriers le regrettaient, et ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et ceux qui habitaient Féra auprès du lac Boïbéis, et Boïbé, et Glaphyra, et Ioclos, étaient commandés sur 11 nefs par le fils bien-aimé d'Admétès, Eumélos, qu'Alcestis, la gloire des femmes et la plus belle des filles de Pélias, avait donnée à Admétès. Et ceux qui habitaient Métoné et Tromaqué, Émiliboa et l'aride Olyson, Philoctétès, très excellent archer, les commandaient sur 7 nefs, et dans chaque nef étaient 50 rameurs, excellents archers et très braves. Et Philoctétès était couché dans une île en proie à des maux terribles, dans la divine Lemnos, où les fils des Achaïens le laissèrent, souffrant de la mauvaise blessure d'un serpent venimeux. C'est là qu'il gisait, plein de tristesse. Mais les Argiens devaient bientôt se souvenir, dans leur nef, du roi Philoctétès. Et ses guerriers n'étaient point sans chef, s'ils regrettaient celui-là. Et Médon les commandait, et il était fils du brave Oïléus, de qui René l'avait conçu. Et ceux qui habitaient Triché et la montueuse Itomée, et Ocalie, ville de Rhytos, aux Icaliens, étaient commandés par les deux fils d'Asclépios, Podaleiros et Macaon. Et ils étaient venus sur 30 nefs creuses. Et ceux qui habitaient Orménios et la fontaine Hypéreia et Astérion et les cimes neigeuses du Titanos étaient commandés par Eurypylos, illustre fils d'Avaïmon. Ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et ceux qui habitaient Argissa et Girtoné, Orté et Éloné et la blanche Olonson étaient commandés par le belliqueux Polypoïtès, fils du Péritéos, qu'engendra l'éternel Zeus. Et l'illustre Hippodaméia le donna pour fils à Péritéos, le jour où celui-ci dompta les centaures féroces et les chassa du Pélion jusqu'aux monts Étiens. Et Polypoïtès ne commandait point seul, mais avec Léontéos, nourrisson d'Arès, et fils du magnanime Coronos Caïnéide. Ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et Gonéos avait amené de Kyphos sur 22 nefs les Éniennes et les braves Péraïbes qui habitent la froide Dodonée et ceux qui habitaient les champs baignés par l'heureux Titaresios qui jette ses belles eaux dans le Pénéios et ne se mêle point au Pénéios au tourbillon d'argent mais coule à sa surface comme de l'huile et sa source est Styx par qui jurent les dieux. Et Protos, fils de Tantredon, commandait les Magnètes, qui habitaient auprès de Pénios et du Pélion aux forêts secouées par le vent. Et l'agile Protos les commandait, et ils étaient venus sur 40 nefs noires. Et tels étaient les rois et les chefs des Danaïens. Dis-moi, Muse, quel était le plus brave, et qui avait les meilleurs chevaux parmi ceux qui avaient suivi les Atréides? Les meilleurs chevaux étaient ceux du Phéréthiade Eumélos, et ils étaient rapides comme les oiseaux, du même poil, du même âge et de la même taille. Apollon, à l'arc d'argent, éleva et nourrit sur le mont Pierré ses cavales qui portaient la terreur d'Arès. Et le plus brave des guerriers était Aias Télamonien, depuis qu'Achilleos se livrait à sa colère. Car celui-ci était de beaucoup le plus fort, et les chevaux qui traînaient l'irréprochable Péléon étaient de beaucoup les meilleurs. Mais Voici qu'il était couché dans sa nef éperonnée, couvant sa fureur contre Agamemnon. Et ses guerriers, sur le rivage de la mer, lançaient pacifiquement le disque, la pique ou la flèche, et les chevaux, auprès des chars, broyaient le lotos et le silénos des marais. Et les chars solides restaient sous les tentes des chefs. Et ceux-ci, regrettant leur roi cher à Arès, erraient à travers le camp et ne combattaient point. Et les Achaïens roulaient sur la terre comme un incendie, et la terre mugissait comme lorsque Zeus, tonnant, la fouette à coups de foudre autour des rochers arimiens où l'on dit que Typhoeus s'est couché. Ainsi la terre rendait un grand mugissement sous les pieds des Achaïens qui franchissaient rapidement la plaine. Et la légère Iris, qui va comme le vent, envoyée de Zeus tempétueux, vint annoncer aux Troyens la nouvelle effrayante. Ils étaient réunis, jeunes et vieux, à l'agora, devant les vestibules de Priamos. Et la légère Iris s'approcha, semblable par le visage et la voix à Polytès Priamide, qui, se fiant à la rapidité de sa course, s'était assis sur la haute tombe du vieux Aïsiétas, pour observer le moment où les Achaïens se précipiteraient hors des nefs. Et la légère Iris, étant semblable à lui, parla ainsi. « Ô vieillard, tu te plais aux paroles sans fin, comme autrefois, du temps de la paix. Mais voici qu'une bataille inévitable se prépare. Certes, j'ai vu un grand nombre de combats, mais je n'ai point encore vu une armée aussi formidable et aussi innombrable. Elle est pareille aux feuilles et aux grains de sable. Et voici qu'elle vient, à travers la plaine, combattre autour de la ville. Hector, c'est à toi d'agir. Il y a de nombreux alliés dans la grande ville de Priamos, de races et de langues diverses. Que chaque chef arme les siens et les mène au combat. » Elle parla ainsi, et Hector reconnut sa voix. Il rompit l'agora, et tous coururent aux armes. Et les portes s'ouvrirent, et la foule des hommes, fantassins et cavaliers, en sortit à grand bruit. Et il y avait, en avant de la ville, une haute colline qui s'inclinait de tous côtés dans la plaine, et les hommes la nommaient Bateia, et les immortels le tombeau de l'agile Myrénée. Là se rangèrent les Troyens et les alliés. Et le grand Hector Priamide, au beau casque, commandait les Troyens, et il était suivi d'hommes nombreux et braves qui désiraient frapper de la pique. Et le vaillant fils d'Anchisès, Aïnéas, commandait les Dardaniens, et la divine Aphrodite l'avait donné pour fils à Anchisès, s'étant uni à un mortel, quoique déesse, sur les cimes de l'Ida. Et il ne commandait point seul, mais les deux anténorides l'accompagnaient, Archilochos et Acamas, habiles à tous les combats. Et ceux qui habitaient Zéléia, au pied de la dernière chaîne de l'Ida, les riches Troadiens qui boivent l'eau profonde de l'Aïsépos, étaient commandés par l'illustre fils de Lycaon, Pandaros, à qui Apollon lui-même avait donné son arc. Et ceux qui habitaient Andrestéia et Apeisos, et Pétiéia et les hauteurs de Téréié, étaient commandés par Adrestos et par Amphios à la cuirasse de l'Ain. Ils étaient tous deux fils de Mérops, le Percossien, qui, n'ayant point d'égal dans la science divinatoire, leur défendit de tenter la guerre qui dévore les hommes. Mais ils ne lui obéirent point, parce que les cœurs de la noire mort les entraînaient. Et ceux qui habitaient Percoté et Practios et Sestos et Abydos et la divine Arisbée étaient commandés par Asios, Hyrtakide, que des chevaux grands et ardents avaient amené des bords du fleuve Séléis. Et les trébus pélagiques, habiles à lancer la pique, et ceux qui habitaient la Rissa aux plaines fertiles, étaient commandés par Hippotoos et Pileus, nourrissons d'Arès, fils du pélage Létos Teutamide. Et Acamas commandait les Thraciens, et le héros Peiros, ceux qu'enferme le Hespontos rapide. Et Euphémos commandait les braves Kikoniens. Il était fils du Troisénos Kéade, cher à Zeus. Et Péraïcmès commandait les archers Païon, venus de la terre lointaine d'Amidon et du large Axios, qui répand ses belles eaux sur la terre. Et le brave Pylaïménéos commandait les Paphlagones, du pays des Énétiens, où naissent les mules sauvages. Et ils habitaient aussi Kytoros et Sésamos, et les belles villes du fleuve Parthénios, et Cromna, et Agiolos, et la haute Eritinos. et Dios et Epistrophos commandaient les Alisones, venues de la lointaine Alibée, où germe l'argent. Et Chromis et le divinateur Eunomos commandaient les Mysiens. Mais Eunomos ne devina point la noire mort, et il devait tomber sous la main du rapide Aïakide dans le fleuve où celui-ci devait tuer tant de Troyens. Et Phorcys commandait les Phrygiens, avec Ascanios pareil à un dieu. Ils étaient venus d'Ascanie, désirant le combat. Et Mestles et Antiphos, fils du Pylaménéus, né sur les bords du lac de Gygéa, commandaient les Maïnos, commandaient les Maïones, qui habitent au pied du Tmolos. Et Nastès commandait les Cariens au langage barbare, qui habitaient Miletos, et les hauteurs phrytriennes, et les bords du Maïandros, et les cimes du Mycalée. Et Amphimachos et Nastès les commandaient, et ils étaient les fils illustres de Nomion. Et Amphimachos combattait, chargé d'or, comme une femme, et ceci ne lui fit point éviter la noire mort, le malheureux, car il devait tomber sous la main du rapide Iachide dans le fleuve, et le brave Achilleus devait enlever son or. Et l'irréprochable Sarpédon commandait les Lyciens, avec l'irréprochable Glaucos. Ils étaient venus de la lointaine Lycie et du Xanthos, pleins de tourbillons.